Bonjour. Alors, cette introduction est tournée 3 heures après la fin du tournage du podcast, tout simplement pour vous introduire au fait que, du coup, j'ai créé un podcast avec les deux personnes que vous allez voir après. À la base, on avait prévu une introduction qui s'est mal passée, que j'ai coupée, et du coup, je fais celle-là. Dans ce podcast, on parlera de jeux vidéo en général avec des thèmes globaux et parfois des jeux vidéo précis ou des séries de jeux précises. Je sais pas vraiment le rythme de parution du format. On aimerait tabler sur un par mois. Ça me semble bien et je pense qu'on va rester là-dessus. Ça durera assez longtemps. Vous pouvez l'écouter sur YouTube et normalement sur Spotify si j'ai bien fait les démarches. Je vous laisse dessus et ma voix va pas être la même entre maintenant et juste après. Je vais donc commencer par introduire les invités. J'aimerais présenter en tout premier le quota blague de l'émission. J'aime Gina. Tu peux te démute. Oui, c'est moi. Je vais essayer de faire des blagues régulièrement pour détendre l'atmosphère. Voilà. Si jamais il y a un silence gênant, je vais essayer de le compenser en faisant une petite blague. Et des fois, je dis des trucs un peu intéressants aussi, ça arrive. C'est plus rare, mais ça arrive. Et il y aura, puisque on ne sera pas que deux, il y aura Netchekou, l'ornithologue et le vieux du groupe. Le vieux. Effectivement. Et donc moi, je dis souvent des trucs intéressants, mais parfois, je dis parfois des trucs bêtes. Ah, bravo les chevilles. Oh, bah, allez. Super. Super les chevilles. Incroyable. Incroyable. Oh la vache. Je sais pas, vous les avez jamais vus. Donc... Non. Effectivement. Et encore, coup, on va pouvoir, je pense, commencer par les jeux qui vous ont marqué, ou peut-être l'actu d'abord, que peut-être vous avez vu en ce moment, genre, je sais Genre pas. rien, quoi. Ouais, Non. c'est vrai qu'il y a rien Genre en le ce moment, au Covid. secours. Le Covid, il y a le Covid et c'est tout. Si, il y a Persona 5 Strikers qui sort dans pas longtemps, mais voilà quoi, Ouais, c'est tout. il y a Bowser Fury aussi. Ouais, pour moi, de mon côté, il y a Monster Hunter Rise. Ouais, c'est parce que je sais pas ce que bah on a peut-être du coup trois jeux différents. Alors Persona 5 Strikers, si tu pourrais éviter de spoiler GG, mais tu peux dire ce que t'attends dedans à la rigueur. Eh bah, j'attends un bon jeu, point. Voilà. J'ai cru comprendre que c'était pas le même gameplay, ça fait pas trop peur. Alors, honnêtement, si, parce que le gameplay de Persona 5, c'est vraiment du RPG pur, tour par tour, full JRPG, et qui était vraiment excellent avec plein de combinaisons possibles. Et voir que ça passe sur un Musou, ça me fait un peu peur. Genre, je sais pas trop comment ça va fonctionner au niveau, je sais pas, de la magie, des personnages, tout ça. Ça a l'air bien, mais j'espère que ça sera pas juste une impression et que ça sera bien, en fait. Le système Moi, de je me fais combat des Musou, je suis pas fan de base, j'ai pas aimé Hyrule Warriors par exemple. Mais je sais pas, celui-là m'inspire, je me dis que ça va marcher. pas trop de soucis honnêtement pour Strikers. On a vu ce que ça donnait avec Hyrule Warriors. C'est Koei Tecmo qui fait le développement du jeu et généralement ils assurent pour transposer leur gameplay dans un autre univers. Donc pas spécialement de soucis à me faire honnêtement par rapport à Strikers. C'est clair qu'en plus, pour avoir commencé à jouer à Hyrule Warriors, l'ère du fléau, clairement, en fait, à partir du moment où ils ont une bonne histoire, c'est vraiment, entre guillemets, c'est ce que j'appellerais un jeu un peu popcorn, c'est-à-dire qu'en gros, bah, les phases de gameplay sont pas ultra compliquées, c'est en gros, c'est du bourrinage un petit peu dans des mobs, Tu défonces ta touche Y, quoi, c'est... et entrecoupé d'histoires cool, donc de cinématiques sympas ou... Que tu peux regarder comme ça en faisant rien devant ta télé. Donc honnêtement, c'est un jeu comme ça que tu mates un peu plus comme un film que vraiment comme un jeu vidéo où tu vas devoir réfléchir. Donc c'est un autre style quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Enfin, moi je connais beaucoup de gens en tout cas qui ont été déçus par l'ère du fléau, j'allais dire Age of Calamity, mais c'est le nom anglais. Au niveau de son histoire notamment. Donc j'avoue, je sais pas trop. Je sais pas, moi je crois que j'ai 4 heures sur le jeu donc. Je l'ai clairement pas fini. Après l'ère du fléau aussi, enfin, il avait cette ambition d'être le pré-Breath of the Wild. Donc C'est forcément, ça. Breath of the Wild avec son scénario incroyable, incroyable, incroyable du cul, ouais. Avec son Assez rétarquable. scénario, il y avait des attentes et je pense que ça a pas dû répondre. Moi surtout, ce qui me fait peur, c'est apparemment vu que dans Striker, ce sera des environnements assez fermés et pas vraiment très ouverts, la caméra. La caméra risque d'être un enfer, c'est déjà que dans Hyrule Warriors et Fire Emblem Warriors, un jeu qui est passé côté de tout le monde, personne l'a vu alors que c'est Oui, genre. c'est vrai, c'est C'est vrai. l'un des Musou avec le système de... C'est comme dans Fire Emblem avec l'appréciation des personnages, rang C, rang B, rang A et rang S, qui est le plus développé, avec plein de trucs différents. J'ai un ami qui était à fond dedans et bon, je l'ai pas revu depuis quoi. Nathan T1 100%, j'ai jamais revu. Mais ouais, c'était le gros problème de ces jeux, c'était la caméra qui était pas souvent optimale. Et puis bah, vu qu'il tournait sur Switch, bah, le rendu était assez laggy parfois et c'était peut-être pas très agréable. L'Arme du Fléau, honnêtement, ça va. J'ai pas eu de lag pendant les 4 heures où j'ai joué. Même quand il y avait 300 ennemis à l'écran, honnêtement, ça laguait pas. Ah, parce que. Après, tout dépend de si tu joues en portable ou en dock. Non, si tu joues en dock, je pense que t'as pas de problème, mais. Normalement, il y a pas de différence de puissance entre le portable et le dock. Ouf, j'y crois moyen, ça. si, logiquement. Bah, il y a pas de raison, en fait. Parce que toutes les, il y a rien dans le dock. Je veux dire, le dock il est creux, donc il y a aucune raison que ça soit plus puissant sur dock. Tu vois. Mmh. Toute la machinerie, elle est à l'intérieur de la Switch. Mmh. Du coup, logiquement. Ouais, du coup, t'attends Bowser Fury, c'est ça? Alors Bowser Fury, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas eu de Wii U à mon grand dam. Peut-être que j'en achèterai une un jour parce que du coup, ça m'a empêché de faire. Les jeux que je voulais faire sur Wii U, c'était notamment, en fait, c'était quasiment que Color Splash en fait, et Super Mario 3D World, j'avais envie de tester parce que j'avais plutôt aimé 3D Land. J'ai trouvé que ça renouvelait plutôt bien le Mario de plateforme classique. Par plateforme classique, j'entends tous les jeux qui sont pas des Mario à collectibles, donc qui sont pas les Mario 64, les Mario Sunshine, les Mario Galaxy, quoi, les Mario Odyssey. Mais du coup, ouais, c'était un bon renouvellement, donc j'avais envie de tester Super Mario 3D World de toute façon. Et là, le fait qu'ils ajoutent un petit peu un espèce de DLC gratuit, entre guillemets, parce qu'il faut racheter le jeu, mais qu'ils rajoutent un petit DLC qui a l'air sympa et qui a l'air un peu de... Je crois que le jeu est moins cher aussi. Hein. Je crois qu'il n'est pas à la norme de 50 euros, 60 euros. Je crois qu'il est plutôt aux alentours de 45. Ah si, il est à 40, c'est cool. Mais en tout cas, Bowser Fury, ça a l'air sympa, honnêtement. Ça a l'air de reprendre un petit peu plus du peut-être un peu plus de Mario Galaxy, Mario 64, ou... Est-ce que tu as vu les images de gameplay Ouais, j'ai vu les images de gameplay, j'ai même vu l'analyse. Très bon YouTuber Flèche, pubé par JDG. Pub. Sur la chaîne Erwin Gaming. C'est intéressant, si vous l'avez pas vu, mais où en gros, il analyse un peu frame par frame le trailer. Et oui, on a beaucoup plus l'impression qu'en fait, bah, il s'inspire beaucoup plus des Mario donc à collectif, donc plus du Mario Odyssey. J'aurais préféré du Sunshine ou du 64 que du Odyssey, mais bon, Odyssey, alors, c'est... Après, il y a carrément des reprises d'animation. Est-ce que tu as vu des images? Je parlais des images de gameplay qui sont sorties il y a quelques jours. Ah, il y a quelques jours? Non, j'ai pas vu. Genre les previews, parce que je les ai vues, donc... D'accord. Je vois à peu près à quoi ressemble le jeu. Et ça se confirme pas ce que je suis en train de dire? Alors, en partie si, en partie non. Déjà, faut savoir que bon, le jeu sera visiblement ouvert, mais pas trop, dans le sens où on va avoir en fait une série de mondes. Enfin, ça a l'air d'être une série de mondes que tu vas faire peut-être les uns après les autres. Je sais pas comment ça va se goupiller. Donc, en gros, t'as un monde avec 4 ou 5 sections. Et une fois que t'as fini une section, tu dois passer au monde suivant. Je pense que ça va se passer comme ça. Et surtout, il y a l'intégration de Bowser qui apparaît toutes les 4 minutes dans le jeu. Ouais, toutes minutes. Les 4 minutes dans le jeu. C'est bon. Pendant 1 minute 30. Et donc, c'est juste pour mettre le bazar et tout. T'as des soleils à collecter. Enfin, ouais, c'est des soleils à collecter. J'espère qu'il y aura... moins de soleil que de lune dans Super Mario Odyssey. Mais donc, tu as des soleils à collecter. Une fois que tu as collecté des soleils, tu dois déclencher une cloche. Et je pense que ça va t'emmener peut-être à des mondes suivants ou à battre Bowser pour déverrouiller un prochain niveau. Je sais pas trop comment ça va marcher. Et dans l'esprit, c'est du gameplay de Super Mario 3D World en un peu plus polissé. Par contre, les mondes ont l'air vachement petits. Quoi. Vraiment, les mondes sont peut-être interconnectés entre eux, enfin je parle dans un seul niveau. Les mondes sont interconnectés entre eux, d'une certaine manière, parce que c'est pas non plus une interconnexion comme tu peux avoir dans un, je sais pas moi, j'ai pas de jeu qui me vienne en tête. Un Banjo-Tooie peut-être? Ouais, peut-être un Banjo-Tooie, encore Banjo-Tooie, l'interconnexion, elle se fait à travers le hub. Là t'as pas vraiment de hub en fait, t'as vraiment les niveaux qui... qui sont présents les uns avec les autres sur l'écran, qui sont séparés en fait par de la flotte ou des choses comme ça. Et vraiment, ils ont l'air d'être très, très petits. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air quand même d'être un DLC plutôt ambitieux. Et peut-être une prochaine lecture pour un éventuel Mario en 3D qui sortirait dans quelques années. Parce que Nintendo aime bien utiliser les idées de leurs jeux précédents pour faire d'autres jeux par la suite. Quoi. Donc, à voir. C'est clair que c'est cool que c'est cool qu'il soit pas comme 3D arnaque là. 3D All Stars. Tu parles de 3D Land. Ouais, qui continue pas sur cette lancée d'avoir vraiment des jeux qui sont faits juste pour faire cracher la thune aux fans. Quoi. Qu'ils essayent un petit peu de certes faire des portages de jeux Wii U, parce qu'on sait que la Wii U a bidé, et que du coup sûrement 3D World ce serait beaucoup beaucoup beaucoup plus vendu s'il était sorti sur Switch directement. Mais et d'ailleurs je pense que 3D World plus Bowser Fury va très bien se vendre. De toute façon c'est rare qu'un jeu Mario se vende mal. Mais bah hormis les Mario RPG qui sont plus à nuancer, généralement les Mario classiques se vendent bien. Mais ouais, c'est bien qu'ils fassent pas juste un portage de 3D World que pour le coup je pense j'aurais pas acheté, et qu'ils essayent de rajouter un petit peu un truc un peu plus... Là, il y a une autre grosse interrogation, c'est le multi en ligne. J'espère que le multi en ligne sera vraiment à la hauteur. Espérons que ce sera pas les mêmes serveurs que ceux de Smash Bros. Hein. C'est les mêmes Super Mario Maker 2, enfin, le jeu lag. Non mais Mario Maker c'est un scandale. C'est incroyable. Vraiment... Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas comment c'est possible, mais vraiment en ligne c'est injouable. C'est le jeu il tourne à... Je rigole même pas, je pense qu'il est à 5-6 FPS. Autant hein, ceux de Mario Kart c'est passable, autant ceux de Smash c'est du carton, là ceux de Mario Maker c'est du papier. Ceux de Mario Kart... Smash je trouve que ça s'est plutôt amélioré, mais Mario Maker j'ai testé genre 3-4 fois, vraiment c'est... Tu finis par un niveau quoi, tu te barres. Moi je vais vous raconter une anecdote, j'ai joué à Luigi's Mansion 3, très très bon jeu d'ailleurs. Ce sera pas le propos du podcast. J'ai eu l'occasion de jouer en multijoueur et je n'ai jamais fini un niveau de la tour hantée. Je savais même pas qu'il y avait un multijoueur en ligne sur Luigi's Mansion 3. Ah non, il est sorti fin 2019, Luigi's Mansion 3. Oui, Luigi's Mansion 3 fin 2019. Et très très bon jeu. On peut en parler si tu veux. Moi j'ai pas fait le jeu, mais... Moi je l'ai vraiment... C'est-à-dire que je l'ai eu à midi, le soir à 22h je l'avais fini. Je l'ai vraiment kiffé moi. Il est court certes, mais tu sens que Next Level Games, donc qui ont fait le 2, se sont éclatés dessus quoi. Vraiment ils ont pris un super plaisir à le faire. Le 2 avait été un peu décrié, notamment parce qu'il était entre guillemets, les niveaux étaient en format épisodique. C'est-à-dire que pour chaque manoir, tu avais une série de missions. Et moi, je ne trouvais pas honnêtement que ça nuisait à la narration. Je trouve honnêtement que ça apportait quelques variétés, parfois quelques surprises intéressantes. Honnêtement, j'ai pas fait le 2, donc je peux pas trop en parler. Enfin, j'ai fait le premier manoir, je me suis arrêté à l'araignée et c'est tout. Ah, très bon boss, l'araignée. Mais j'ai pas trouvé le jeu... En fait, j'ai trouvé le jeu intéressant, mais je sais que je l'ai lâché très très vite parce que je crois qu'à l'époque, il y avait Animal Crossing qui était sorti et New Leaf, je l'ai vraiment poncé comme un porc. Mais le 3, non, vraiment, très bon jeu, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. Il est court par contre, mais... En fait, le problème du 3, c'est que t'en aurais voulu plus, quoi. Tu te dis, il y a certaines idées, elles sont tellement bien, tu te dis, ah, pourquoi ils n'ont pas fait ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Et j'ai hâte de voir le 4, que je pense qu'il y aura un 4. C'est vraiment, peut-être que ça va être la malédiction Pikmin, il n'y aura jamais de 4. Ah ouais, mais la série Luigi's Mansion, elle a mis du temps à revenir quand même, hein, de la GameCube à la... Oui, ah, après, Pikmin, ça a été lancé. Le 3 n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Non, le 3 est sorti. Le 2 est sorti en 2013, le 3 en 2019. 6 ans. Donc ça va, 6 ans entre les deux. Ans, ouais. Et du coup, Netchiku, je crois que tu voulais te parler de Monster Hunter Rise, c'est ça? Ouais, effectivement. Avec l'excellent film. Avec l'excellent film. Mais je pense honnêtement qu'il... Alors, je ne l'ai pas vu. De ce que j'ai vu quand même dans les trailers, ça a l'air d'être moins pire que ce que je ne pensais. Par contre, Monster Hunter Rise, j'ai pas fait la démo. Quelle honte, j'aurais dû. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que va donner le jeu parce que ils ont repris les idées de Monster Hunter World, qui a vraiment éclaté la licence. Clairement. Parce que, y a, une des choses que je voulais voir avec Capcom, c'était de savoir s'ils étaient capables de transposer la série Monster Hunter en monde ouvert. Je trouve que World l'a ouvert, très bien la fait. Breath of the Wild World, mais dans un univers beaucoup plus ouvert que les précédents opus où tu avais 10 zones par map et tu chassais les monstres en fonction des zones. Et Monster Hunter Rise, ouais, ils ont encore ouvert le truc. L'idée du grappin a l'air d'être vraiment cool. Le jeu a l'air de beaucoup jouer sur la verticalité, ce qui est quelque chose que les Monster Hunter sont en train de plus en plus de faire. Il y avait notamment eu Monster Hunter 4 qui l'avait fait, Monster Hunter 4 Ultimate, qui l'avait fait, qui avait un peu introduit cette idée de gameplay, on va dire, beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux. Et non, franchement, j'ai vraiment envie de voir ce que va donner le jeu. Je pense que Capcom, encore une fois, ils ont super bien pensé leur jeu. Et la seule crainte que j'ai pour l'instant, c'est que c'est un peu vide. Ça a l'air, les environnements ont l'air d'être quand même un peu vides. C'était pas non plus extraordinairement rempli de monstres dans les précédents opus, mais moi, c'est un peu le seul truc qui me fait un peu peur. Et visiblement, il y a eu quelques problèmes en multi qui ont été assez vite réglés, mais ça venait plus d'une... problème de serveur ? Ça venait plus d'un problème de Switch Online que du jeu en lui-même. Donc, encore, évidemment. Je pense toujours que ce putain sera d'online. Résolu un petit peu plus tard. Et je pense que les serveurs auront quand même de meilleures têtes que ceux de Smash ou autre quoi. Que Nintendo fasse payer au début, que Nintendo fasse payer son online, je crois que ça avait été assez mal accueilli. Et entre temps, ça s'est tassé parce que entre temps, je crois qu'il y avait eu au lieu des 3 mois gratuits de online en 2017, il y avait eu un an, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait eu Splatoon 2, il y avait eu Arms, Mario Kart 8, et ouais, je crois que c'est arrivé un an après le fait qu'il faille payer. Et je trouve ça vraiment scandaleux, le online aujourd'hui. Il n'y a plus grand monde qui en parle en disant que le online payant de Nintendo est scandaleux, mais... Bah, en soi, il n'y a pas grand monde qui en parle déjà parce qu'il est pas cher. C'est vrai qu'il est très peu cher. Mais après, il vraiment, est peu cher, mais peu qualitatif aussi, quoi. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai que la qualité du serveur est à revoir. On va dire que si on compare... En fait, si on compare par rapport aux autres donc Xbox et PS4, en sachant que l'avantage du online de la Switch, c'est quand même que t'as des jeux rétro... Ça, je trouve ça très bien, des jeux rétro gratuits sur ta Switch. Alors certes, on peut jouer sur l'émulateur. Mais au moins c'est légal quoi. Mais au moins c'est légal et surtout avant, genre pour avoir acheté genre bon après il manque des jeux, mais pour avoir acheté genre Pokémon Rouge sur ma 3DS ou Zelda 1 et Zelda 2 sur ma 3DS, bah fallait raquer 4€ à chaque fois quoi. Donc là honnêtement que t'aies plein de jeux, en l'occurrence Pokémon Rouge, il y a beaucoup de jeux Game Boy qui ne sont pas, etc. Faut quand même, ils sont quand même pas dessus, mais au moins t'as des jeux en plus, donc ça compense un petit peu le fait que le online pue un peu. Ça m'embête vraiment de voir que Nintendo joue encore sur la nostalgie, quoi, sur son online. C'est pas jouer sur la nostalgie, c'est permettre de jouer. C'est un peu l'histoire du jeu vidéo aussi. Ouais, mais bon. Moi, honnêtement, il y a des jeux, typiquement, ça m'a permis de faire Donkey Kong Country le premier. J'ai fait jouer Mac 2, j'ai fait Demon's Crest que j'ai fini rapidement. Après, y jouer au Joy-Con avec le fameux Joy-Con Drift, c'est pas toujours très très agréable. Tu joues à la manette pro, non ? Ben, je suis pauvre, moi, monsieur. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a la France qui va déposer un recours européen au niveau des Joy-Con Drift. Non, mais le Joy-Con Drift, c'est dingue. J'ai lu ça dans mon journal. C'est hallucinant, ça fait combien de temps ? 4 ans ? Ouais, non, mais c'est ça. Et ils ne sortent toujours pas de Joy-Con qui n'ont plus le problème. C'est un scandale. Non, ça fait 5 ans. La Switch a 5 ans cette année. Non, la Switch, elle a... Non, la Switch a 4 ans. Non, c'est 2021, 4 ans. Oui, 4 ans, putain. Puis je... battez-moi, ça fait 2. 3 mars 2017. C'est pas compliqué, c'est le 3-3. Mais ouais, c'est un scandale. Je veux dire, n'importe quel autre éditeur... en fait, on laisse passer beaucoup de choses parce que c'est Nintendo, quoi. Un autre éditeur qui sortirait une manette comme ça, qui a des énormes problèmes de... Bah, la PS5. La PS5 avait eu un problème par rapport à ses manettes, comme quoi le stick était pas du tout ergonomique et coinçait parfois, si je dis pas de conneries. Et ça a été corrigé peut-être pas dans l'heure d'après, mais vous m'avez compris, quoi. Non, mais c'est ça, c'est corrigé direct. Je veux dire, le Joy-Con Drift, les premiers problèmes, c'est genre début 2017, je pense. Je pense qu'avant, genre juin, il y a déjà des plaintes de Joy-Con Drift. Hein. Donc c'est vraiment un truc qui est connu depuis super longtemps. Au début, Nintendo a fait le négationnisme en mode « Non, non, vous inquiétez pas. Magie, vous avez tout oublié, il n'y a pas de Joy-Con Drift. Même si au final, maintenant, tu peux faire jouer la garantie, donc c'est bien qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème. Mais non, honnêtement, c'est hallucinant qu'ils ne sortent pas des... Surtout que ça leur ferait des ventes de ouf, parce qu'ils ont juste à sortir un nouveau Joy-Con qui n'a plus de problème. Ils le vendent, ils disent partout, regardez, nouveau Joy-Con qui n'a plus de problème, et tout le monde va se jeter dessus, quoi. Ouais, enfin, après, il y aura sûrement la crainte de... On dit qu'il a plus de problème, mais ça se trouve, il y en a encore. Oui, après, je pense pas que le Joy-Con Drift soit un truc extrêmement compliqué à... Je veux dire, si t'as certaines personnes qui arrivent à régler le Joy-Con Drift juste en mettant de l'huile, c'est vraiment... c'est pas très compliqué à régler comme problème. Je pense vraiment que c'est Nintendo qui fait aucun effort, comme d'habitude. Mais Nintendo, d'une certaine manière, sur l'année dernière, puis sur l'année 2019, en fait... Mais ils ont fait ils ont beaucoup fait la sonde d'oreille, en fait. C'est pas ouf, hein, vraiment. Ah non, mais Nintendo, c'est... J'en parlais avec certains amis. Nintendo se meurt pour la 15e fois. Ben, Nintendo se repose sur ses lauriers, surtout. Ils sortent des bons jeux de temps en temps, mais en dehors de ça... C'est pas qu'ils se reposent sur ses lauriers, c'est qu'ils gèrent encore une entreprise de jeux vidéo, comme si on était en 86, quoi. Sauf qu'on n'est plus en 86, je veux dire, l'e-sport, ça existe. Ouais. Quand il y a un bug sur un jeu, il faut le patcher. Tu peux pas faire payer... là, c'était quoi? C'était Fire Emblem, qui coûtait, je sais plus, 10 balles. Alors que c'est un jeu que tu peux trouver en émulation, quoi. Donc, c'est ridicule. D'ailleurs, en parlant de patch, ils ont patché le problème qu'avait Origami King. Lequel? À un moment donné, quand tu arrives dans l'une des dernières zones du jeu, si tu reviens en arrière et que tu as sauvegardé, tu peux plus continuer parce qu'il te manque un objet, je crois. Un truc dans le genre. Ah, j'en ai jamais entendu parler. J'avais jamais entendu parler de ce problème. J'ai pas eu le problème quand j'ai fait le jeu. Moi non plus. Okay. Bah après, je pense que ça doit être quelque chose d'assez contre-intuitif, mais... Non, les moi j'ai soft... pas eu... Les softlugs, c'est pire. Ah bah là, c'est clair, surtout que t'es à la fin du jeu, quoi. Bah ouais. C'est ça. Origami King, qui... On peut embrayer sur le sujet, sauf si vous avez d'autres trucs à faire dire sur... Non. Sur la gestion de Nintendo. Qui est un peu catastrophique. En fait, on va continuer sur la gestion de Nintendo. Déjà, on va parler des trailers. Le trailer balancé en soum-soum sur Twitter à 14h alors que tout le monde dort. Alors, en vrai, ça, je trouve qu'annoncer un jeu comme ça, genre sur Twitter, c'est, pour moi, c'est pas un problème. Le problème, je parle surtout parce que ça fait une belle surprise, tu vois. Obligé de faire un événement autour de chaque jeu. Et au final, j'ai l'impression que ça leur a fait plus de pub que si ça était sorti pendant... Ouais, enfin, ça fait un an et demi qu'on n'a pas eu Nintendo Direct, quoi. Oui, mais... Ah non, les partenaires Showcase, oh. Non, oui, de Nintendo Direct à Nintendo, pour Nintendo, par Nintendo, voilà. Parce qu'ils n'ont pas de jeu à proposer. C'est clair qu'ils n'ont pas grand-chose, hein. Ah, ils ont Super Mario 3D All-Stars, c'est bien. Bah non, même pas, parce que ça se termine en mars. C'est ça. Ah oui, d'ailleurs, dépêchez-vous d'acheter votre exemplaire. Dépêchez-vous, parce que les Micromania vont fermer. Ah, quel enfer. Pareil, ça c'est hyper contestable de faire un truc qui s'arrête en mars juste pour que les gens se jettent dessus. Et ça a marché, hein, le jeu s'est très bien vendu. Et en mars, ils vont annoncer Mario Galaxy 2 sur Switch et on va tous voir flou. C'est une arnaque. C'est vraiment 3D All-Star, pour moi, c'est vraiment la... Le truc qui me fait vraiment perdre espoir pour Nintendo, parce que c'est vraiment du foutage de gueule, mais bon. Il n'empêche que, donc, pour en revenir à Origami King, moi, c'est surtout le truc de, ils ont balancé tout le jeu dans les trailers, quoi. Ouais. Et ça, c'est... Comme Luigi's Mansion 3, d'ailleurs. Bah, comme moi, Mario Odyssey, comme Luigi's Mansion 3, comme... Mario Odyssey, c'est plus qu'il y avait des mondes à découvrir. Il y en avait deux. Ouais, mais ça va. Origami King... Ouais, quand on parle de monde... Origami King, ouais, y a plus rien. Origami King, y a plus rien. Et surtout, ils ont spoilé les trucs qu'il ne fallait pas spoiler. Moi, je sais que je n'ai pas vu les trailers. J'ai eu cette chance. J'ai vu le premier, c'est tout. J'ai vu le premier, c'est ça. Aussi. J'ai pas vu tout d'après. Mais typiquement, le fait de spoiler que les ennemis principaux du jeu, ça va être des fournitures scolaires, c'est complètement con. que du coup t'as pas ce côté de te dire ouais putain c'est waouh. Moi j'ai trouvé, beaucoup de gens disent mais là mais c'est ridicule, moi j'ai trouvé que c'était une idée de ouf. Mais... oui, bah en plus tout le jeu tourne autour du fait de manier le papier en faisant des origamis. Il n'y avait pas vraiment ça dans Color Splash, et... parce que Color Splash c'était plus la peinture, c'était recouvrir le papier, et Sticker les Star gens, un peu pareil. Les gens des fois ils râlent, les gens râlent un peu pour des raisons un peu nulles. Et des fois les gens ne râlent pas assez, genre Super Paper Mario. C'est ça. On en reparlera, je pense. On en reparlera un jour. Mais non, clairement, Origami King, gros souci d'avoir balancé tout le jeu. Mais ils ont balancé Kamek aussi dans les trailers, je crois. Bah dans le premier, je crois même. Non, pas dans le premier. Si, il me semble, il est dans le premier. Hein. Non, il est pas dans le premier. Bah si, parce que l'une des premières zones du jeu qui est présentée... Il est pas dans le premier. Non. Peut-être dans le deuxième, il y a Kamek et Bowser Jr. Mais dans le deuxième, il n'est pas dans le premier. Sinon, je me serais fait spoiler, je sais. Mais bon, j'avoue quand même, dans tous les cas, ne serait-ce que présenter ça dans un trailer, c'est désastreux. Bah en fait, le problème de Nintendo, c'est qu'ils ont peur que leurs jeux se vendent pas, donc du coup... Ils mettent la blinde, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé pour Breath of the Wild. Et c'est pour ça que je viens de survoler, l'ont autant apprécié quoi. La zone qui est montrée dans Breath of the Wild, c'est juste la zone du prélude. Bah c'est le plateau du prélude. Et à la limite le château, mais de très loin, c'est tout quoi. Et c'est absolument tout quoi. Et après les gens ils ont découvert le jeu et. En même temps, présenter Breath of the Wild comme ils ont présenté Paper Mario, The Origami King, etc. Ça aurait été complètement contre-intuitif parce que c'est un jeu sur l'exploration. C'est ça, dans Paper c'est Mario Origami King, tu explores pas vraiment, c'est une grosse ligne droite. Ouais, mais je suis pas d'accord. Moi, je pense que les gens sont quand même assez curieux de ne pas se spoiler les environnements qu'ils vont traverser ou les personnages qu'ils vont rencontrer, ce genre de choses là, quoi. Ah, parce que le jeu a quand même un certain cachet, hein, je trouve. Hein. Même sans y avoir joué, juste en ayant vu quelques vidéos du jeu, je trouve que le jeu a quand même un certain cachet. Hein. Origami King, effectivement, pour avoir... alors, pas platiné le jeu, il me reste 2-3 trucs à faire, mais avoir toutes les zones finies à 100%, en tout cas, honnêtement, c'est très très... c'est très très agréable de le parcourir. Bon, l'histoire est un peu... c'est un prétexte, quoi. D'ailleurs, c'est un peu la même... En vrai, c'est un peu la même histoire que les deux d'avant, mais... Non. Il y avait une histoire dans Sticker Star. Je sais pas, j'ai pas fait Sticker Star au complet. Moi je l'ai fait. C'est la fête des amis, la fête des stickers, c'est... Mais non, parce que là, dans Color Splash, c'est parce que Port Barbouille se fait attaquer par Bowser. Et d'ailleurs, la lettre, c'est un Toad. Non, mais je sais, mais par exemple, dans Sticker Star et dans Color Splash, les deux, c'est Bowser qui se fait contrôler, enfin... Vraiment, qui s'est contrôlé. Dans Origami King, là, c'est plutôt il se fait maîtriser. Là, hein. C'est... Dans Color Splash, il se fait contrôler, et dans Sticker Star aussi. Oui, oui. Il se fait contrôler dans Sticker Star, ouais, ok. Et dans Color Splash, pareil, il se fait contrôler par l'encre noire. Mais en soi, Sticker Star, le problème, c'est qu'au début, tu penses avoir un semblant de scénario. Puis après, nique. Le premier monde, il y a un peu de scénario. Le deuxième, un peu. Le troisième, c'est là où il y a, j'irais, le plus de scénario. Avec le passage du Wiggler, pour ceux qui ont joué au jeu. Et le quatrième, le scénario, on s'en fout. Ah. Le scénario, il n'existe plus. Il est parti en vacances et tu ne le reverras pas. C'est vraiment... Moi, ce que je retiens du scénario de Sticker Star, c'est qu'il se délite au fur et à mesure du jeu, quoi. Après, moi, j'ai un problème avec Origami King. J'ai pas réagi tout à l'heure, mais Jem, t'avais dit que tu trouvais très agréable à parcourir. Moi, je le trouve pas, pour une simple raison, les ennemis. Tu rentres dans un combat, c'est long, t'as l'énigme de merde à faire où tu dois pousser trois trucs et où tu dois tourner trois fois, faire trois tours sur toi-même et pouf, l'ennemi disparaît. Tu utilises tes armes. Ça aussi, les armes qui se cassent, qu'est-ce qu'ils ont Nintendo avec ça en ce moment, entre Breath of the Wild et Origami King, au secours? Et Animal Crossing aussi. Non, mais dans le prochain Mario, genre dans Mario Bowser Fury... La casquette, elle va se casser, tu vas voir. Attends, Les armes, elles se cassent pas, non, Yamiki? Si, si, les bottes, elles se cassent, les marteaux, ils se cassent, hein. On n'a pas joué au même jeu, Gemma. Ah, oui, oui, oui, ah, oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais après, t'en as... c'est un peu le même système que les cartes dans le jeu d'avant, quoi. Juste que c'est des cartes qui durent sur plusieurs combats, quoi. Mais oui, oui, effectivement, ça se casse. Après, moi, aussi, pour platiner le jeu, genre, pour avoir tous les trophées, typiquement, faut dépenser un max de thunes. Genre, le trophée, l'un des trophées de fin de jeu qui coûte, genre, peut-être 50 000 pièces, un truc comme ça. Oh la vache. Qui est un enfer. Pas du tout. Si, si, il y a un trophée en post-game qui coûte 50 000, si je dis pas de bêtises. Non, non, non, le plus cher, il doit être genre à 9999. Mais je crois que tu peux pas aller au-dessus de 9999. De ah bah, ouais, c'est peut-être effectivement qu'il coûte 9999, mais... Je vais chercher... Après, l'argent dans Origami King aussi est très mal géré, genre... Il y a un moment où t'as la masse d'argent... Tu te dis, mais dis donc, mais j'ai beaucoup d'argent en fait, pourquoi le jeu me donne autant d'argent? Et en fait, tu te rends compte que tout est cher. Ah non, c'est 999 999. Donc c'est peut-être 50 000 hein, le trophée le plus cher. Peut-être 50 000, mais 50 000, il me semble pas que c'est beaucoup. Hein. Moi je sais que j'ai fini le jeu, j'avais 70 000 et après j'étais pas bien. Honnêtement, j'ai jamais été en galère de thunes dans le jeu. Moi non plus, mais. Même alors que dans Super Paper Mario. C'est un autre débat pour un autre temps. pourtant j'ai acheté tous les trophées, etc. Mais j'ai jamais été en galère de thunes. Ah. Mais moi, il y a un truc pour revenir au système de combat, et je maintiens cette idée. Je pense que Nintendo devrait faire un Paper Mario uniquement qu'avec des combats de boss. Ah, mais je suis pas d'accord. Avec genre ça. Vraiment, tu te concentres sur l'exploration et t'as juste des combats de boss. Mais non, parce que du coup, tu serais pas préparé au moment des combats de boss. Je sais pas. Je sais ou alors pas faire mini boss boss et ça, faire mais... genre un système de combat pour les mini boss et un système de combat pour les boss qui serait un peu différent. Parce que si on veut vraiment parler des sujets qui fâchent, le dernier Paper Mario, il n'y avait pas de système de combat. On sait ce que ça a donné. Quoi. Ouais, ouais. C'est super pas dingue. Normal, quoi, donc c'est pas. Mais c'est la faute à la manette. C'est la faute à la manette. Mais il y en avait un de système de combat, mais tu vois, il est... Non, il y avait pas de système de combat, c'était... tu sautes sur les ennemis, bah c'est un Mario, quoi. Bah tu sautes sur les ennemis. T'essayes de sauter sur les ennemis, déjà, pour commencer. T'y arrives souvent pas, d'ailleurs. Souvent, tu te prends un coup parce que l'hitbox est claqué, mais ça, c'est autre chose. Souvent, tu... T'es 40 fois sur l'ennemi, des fois, pour le tuer. Un plaisir. Mais non, moi, je trouve, honnêtement, le système de combat de Rogue Nickel, je trouvais sympa, hein. Moi, en fait, je le trouve sympa passer les 25 premiers combats, quoi. Non, moi, même après, les boss sont très très intéressants. Oui, ça c'est sûr. Les boss sont trop cool. Genre, je sais que typiquement, le boss final, je le faisais genre 1 PV par 1 PV à peu près. Ah, yes. C'est ton jeu préféré, Gem, de l'année Qui est sorti cette année? Non, de l'année 2020. Tout à fait, en 2020. Bah, Origami King, honnêtement, j'ai passé un très très bon moment. Même, je l'ai fait en juillet, je crois. Je crois qu'il est sorti en juillet. Oui. 17. Je l'ai fait à sa sortie, quasiment. Non, j'ai dû attendre une semaine, je crois. Mais honnêtement, j'ai passé un super moment dessus. Donc, vraiment, c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Après, je pense que j'ai quand même préféré Black Fables. Qui est aussi un Paper Mario Life. On en parlera de Bug Fables, on aura l'occasion d'en parler. Que pour le coup, j'ai platiné aussi. Enfin, c'est 70 heures dessus. Mais honnêtement, non, Origami King, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Beaucoup, beaucoup plus que Super Paper Mario, en tout cas. On peut témoigner que c'était. Depuis 25 c'était minutes, pas on très, très bien. Super Paper Mario. Super Paper Mario, peut-être qu'on fera une. Normalement, j'ai un épisode. Mon premier épisode de SAV est prévu là-dessus, mais honnêtement, c'est vraiment pas. Si vous l'avez fait dans votre enfance, c'est vraiment pas très, très bien. Genre, rejouez-y, vous allez voir que c'est vraiment pas très, très bien. Vous allez voir, quand vous vous êtes dit, oh putain, le monde du Game Over, il est trop bien, à la fin, vous allez dire, mais en fait, c'est de la merde. Mais c'est nul, c'est plein d'allers-retours, le jeu n'est pas intéressant. Non, vraiment, c'est, j'ai une vidéo à charge de 45 minutes pour expliquer que c'est pas bien. Mais voilà, moi j'y avais pas joué dans mon enfance, mais de toute façon, la saga Paper Mario, que du coup j'ai fait beaucoup cette année, parce que là je suis en train de faire Sticker Star. J'ai fait Bug Fables, qui est un pseudo Paper Mario. Ça en est où d'ailleurs, Sticker Star? Sticker Star. Alors, Sticker Star, j'ai rage kit, faut que je me remette. Putain, quel enfer! Très bien. Mais non, mais parce qu'en fait, je suis arrivé au désert. Je suis arrivé au désert et j'ai rage kit. Non, j'ai été stun 4 tours. Ah, j'ai fait un combat, j'ai été stun 4 tours. Du coup, bah, j'étais juste en mode, bah, je peux littéralement rien faire. Ouais, mais pourquoi, tu vois, des fois dans Bug Fables, t'es stun 4 tours aussi, et pourtant dans Bug Fables, tu t'amuses. Mais dans Bug Fables, ils font moins de dégâts. Là, le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, j'avais genre. Je sais plus comment ils se comptent les PD. Je devais avoir 15 PD, je crois. Ouais, je crois que c'est par 5 à chaque fois. Ouais, c'est 5. C'est 5, c'est 5. J'avais à peu près 15 PD. L'ennemi faisait 4. Première attaque, il me fait 4, il me stun 4 tours. Du coup, bah, tu fais le calcul, hein. Bah, 4 fois 4, 16, hein, donc il me tuait. Yes. Mais tu fais pas la roulette, Jem, pour. Bah, si, pour avoir des mais quand t'es stun, la roulette, je crois que tu peux pas la faire. C'est surtout qu'il restait qu'un ennemi, en fait. C'était juste les espèces de petits verts, là. Et il m'a tapé. J'ai pas paré son attaque au bon moment. Et il m'a stun 4 tours. Et ensuite, il m'a enchaîné. Bah, mais ça, c'est parce que t'es mauvais. J'ai jamais perdu dans un combat de. Et j'étais en mode, mais c'est trop de la merde. J'ai jamais perdu dans un combat de Paper Mario Sticker Star hors des boss. Bah là, c'est juste que j'ai pas eu de chance, je pense que les ennemis te stun pas 4 tours de façon classique, quoi. Mais sinon, le jeu est sympathique, mais voilà. De ce genre de truc, ça t'aide pas à l'aimer. Mais voilà. Mais du coup, oui, j'ai fait une année qui est très Paper Mario, et honnêtement, j'aime bien cette licence. Qui est pas du tout une licence de l'enfance, pour le coup, parce que, bah... Tous les jeux, je les ai découverts, genre Paper Mario 64, j'ai découvert il y a peut-être 3 ans, 3-4 ans, un truc comme ça. La Porte Millénaire, je crois que je l'ai fait il y a 2 ans. Et du coup, bah là, j'ai fait... Ça fait 4 ans que tous les ans, je fais Paper Mario La Porte Millénaire au moins une fois. À 100% parce que je suis un abruti. Ah, c'est... Et du coup, ma save de... J'ai ma carte mémoire de GameCube... Avec mes 4 parties de Paper Mario 2 à 100%, un plaisir. Ouais, je faisais ça, mais avec Super Mario Galaxy. Chaque année, quand j'achetais Galaxy en 2012, chaque année je le faisais à 100%. Jusqu'en 2016, et puis après j'ai arrêté, je me suis dit, il faudrait peut-être que je joue à d'autres jeux. Tu faisais Luigi aussi ou pas? Non, je faisais que Mario. Ah bah moi j'ai ça avec Super Mario 64 DS, et j'ai ça avec... Ah pareil, 64 DS, je l'ai platiné au moins... 3-4 fois. Je l'ai fait une fois et plus jamais. Mais Majora Mask. D'ailleurs, je n'ai pas fait cette année. Faut que j'aille en face. Enfin, moi, je l'ai fait Ocarina of Time cette année. J'ai fait Ocarina of Time à 100% cette année, mais j'ai pas fait. Je l'ai pas fait à 100% par contre. J'ai pas fait Majora Mask. Majora Mask, je l'ai jamais terminé à 100% parce que je crois que j'arrivais pas avec la quête du postier. Genre la quête du postier et même certains masques. Certains masques en tant que tels, je les trouvais pas en fait. J'étais très con. Moi je verrai, quand je le ferai, je l'ai là sur 3DS, j'ai en vrai, un neveu qui me l'a passé. Donc. Ça apporte tellement de faire Majora Mask à 100%, je trouve. Il y a tellement de quêtes annexes cool, il y a tellement de fragments d'univers que tu perds quand tu fais pas le jeu à 100%. C'est un peu comme Bug Fable si tu fais pas les quêtes annexes, tu vois. Tu rates un pan du jeu vraiment très bien. Tu rates... 80% du jeu, je pense. Si tu fais c'est ça, tu rates oui. L'intérêt du jeu. Bah, déjà, tu rates tout l'or parce que tous les lore ils sont. Bah, tout l'or est dans les lore books. C'est ça, et Majora Mask, c'est pareil. Tu rates tout l'or, tu rates tout en fait, si tu fais pas le quête annexe. Parce que, effectivement, tu peux tracer le jeu, et je suis sûr que si tu traces le jeu vraiment en faisant aucune quête annexe, je pense que tu peux le finir en. Une dizaine d'heures, je pense. Même pas, hein. Honnêtement, en 5-6 heures, c'est bouclé. Mais Bug Fable, c'est pareil, tu vois, genre, je pense. Si on n'avait pas fait les quêtes annexes, je pense que clairement on n'aurait pas 60 heures de jeu. On aurait peut-être 15. Vous auriez pas roulé sur le jeu. Deuxième chose. J'ai pas roulé sur le jeu. Alors que Nechiku, c'est le jeu qui lui a roulé dessus. Oui. C'est ça. Non, la dernière zone, elle m'a bien roulé dessus quand même. La dernière zone, à chaque fois que je rencontrais un ennemi, je me chiais dessus. Ah, c'est vrai que la dernière zone, elle fait peur. Déjà, elle fait peur. Les ennemis se tapent super fort et les ennemis peuvent te stun des dizaines de tours. Pas l'épisode de Bug Fables, mais effectivement, jouez-y. Là voilà. Jouez-y, honnêtement. Le jeu est plein incroyable. Hyper inventif, le jeu a plein de surprises. C'est Paper Mario en mieux. C'est ça, c'est Paper Mario 2 en mieux. Après, le jeu est sorti. 2019 15 ans après, donc forcément, il y a de l'expérience derrière, mais honnêtement, le jeu est super bien. C'est pas le premier jeu d'un studio. Ouais, c'est... Je crois. Il y aura peut-être. Je sais pas s'il y aura une suite ou alors un jeu dans le même genre. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais... On se disait le jeu a pas si bien marché que ça. Après, en vrai, ils ont été financés. Du coup, bah, techniquement, si à chaque fois ils sont financés, même si le jeu fait pas un carton mondial. Ils ont de l'argent de côté, c'est déjà ça, quoi. C'est ça, ils ont ça a remboursé leurs frais, quoi, donc ils peuvent continuer à vivre. Du coup, voir s'ils arrivent, ou alors si une autre équipe se mettra à faire du Paper Mario de like. Mais en tout cas, moi, s'il y a des jeux comme ça qui sortent, je les dévorerai, parce que ils sont très très bien. Moi, je sais que Bugfable, j'en avais entendu parler avec la chaîne de... c'est Fat Guy, je crois. Le mec qui fait beaucoup de Paper Mario 2 et qui est l'un des créateurs du Paper Mario 2 randomisé. Et j'avais checké vite fait son let's play sur Bugfables et j'avais fait « Ah, j'aime pas, c'est pas comme Paper Mario 2 ». Et puis après, Nechecu est venu en parler sur Discord. Et puis, j'ai craqué Bugfables et après, je l'ai acheté. Parce que le jeu est vraiment excellent. Bah moi, je l'ai acheté avant de le finir. Je l'ai acheté... Je crois que quand j'ai fini le premier chapitre, je l'ai acheté. Et je pense que je vais le refaire un jour. Je pense que c'est un jeu sur lequel je pourrais revenir parce que le jeu, je pense qu'il y a moyen de faire des runs assez différents. Faudrait que je teste le mode random qui peut être intéressant. Ah, il y a un mode random ? Oui, il y a un mode random qui a l'air assez rigolo. J'ai envie de le tester. Je pense que je le ferai d'ici quelques jours. Jeu modé, ça peut être très très bien. Non, c'est un mode in-game. Ah, c'est un mode. Je crois que c'est quand tu renommes ta sauvegarde en random, ça a random tous les objets. Je pense que ça peut être plutôt amusant. Partir en hard avec ça. Sinon, à part Bugfables, est-ce qu'il y a des. Enfin, à part Bugfables et des Paper Mario like, en fait, est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous avez fait en 2020 qui vous semblent importants? Un paquet. Premier jeu que je voudrais évoquer, The Messenger. Vas-y. The Messenger. On ne spoil pas. De quoi, Jem? Spoil pas parce que je compte le faire. Ben, je ne spoil pas, mais en gros, c'est Ninja Gaiden, mais avec une idée au milieu qui twiste complètement le jeu. Qui n'est pas révolutionnaire comme idée, mais qui surprend. Voilà, elle surprend. Et en dehors de ça, c'est un jeu très très bien fichu. C'est techniquement au point. Il y a quelques petits problèmes de jouabilité. Mais le jeu est vraiment très cool. Il a une bonne difficulté. Même s'il y a certains passages qui sont assez hard. Mais voilà, si on s'accroche, c'est dans la poche. Et puis, surtout, il a une très très bonne histoire. Vraiment, un très bon lore. Qui d'ailleurs aura une... Une suite, non ? Enfin, je dirais un spin-off, plutôt. En la personne de Sea of Stars. Qui sera un RPG. Donc comment on passe d'un jeu plateforme 2D à un RPG, faudra demander aux développeurs. Mais ça a l'air d'être très très cool, je vous invite à vous renseigner. Sea of Stars. Et ouais, non, vraiment The Messenger, très très bon jeu. Pour rester dans l'indé, A Short Hike. Voilà, qui a été... excellent, excellentissime. Excellent. Incroyable. Ouais. C'est marrant cette mode, entre guillemets, qu'il y a chez les indés, à essayer de reprendre des vieux jeux... qui n'ont entre guillemets pas été dont la licence n'a pas été continuée par leur éditeur ou alors a été modifiée comme la licence Paper Mario et de les reprendre et justement de reprendre ce gameplay et essayer de montrer qu'il est encore actuel parce que du coup là tu parlais de Ninja Gaiden, je crois que oui la série Ninja Gaiden ça fait très très longtemps qu'elle est en pause, je sais même pas qui est la partie. Non je crois qu'il y a eu des épisodes sur PS3 et sur 3DS. D'accord. Okay. Alors après, je sais pas si c'est les mêmes. Enfin, je pense pas que ce soit les anciens développeurs des Ninja Gaiden. C'est pas Koei Tecmo, Ninja Gaiden, justement ? Ninja Gaiden, c'est Team Ninja. Non, pas simple, écoutez. C'est efficace. Effectivement, il y a eu un jeu sur PS3, apparemment. Mais qui était pas extraordinaire, d'ailleurs. Par contre, le jeu sur DS, apparemment, se défend mieux. Mais... Étonnant. J'aurais plutôt parié l'inverse, moi, mais. Sinon, A Short Hike, Breath of the Wild, en miniature, une petite leçon de comment faire un open world, en fait. Oui. Pour moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est une brillante leçon de comment faire un open world. Une OST incroyable. un style graphique. Oui, j'y ai joué quand il était gratuit sur l'Epic Game Store il y a un an, si je dis pas de bêtises. Oh là là, je l'ai raté. Malheureusement, je m'en souviens plus de grand chose, mais faudrait que je soit je me le refais, soit je regarde un let's play de quelqu'un, mais moi il est je pas sais très que long. Quand je l'avais fait, oui, il est pas très très long, je crois que en 5-6 heures, heures. Ouais, de 2 heures tu le torches peut-être, et puis si vraiment t'es lent, lent comme un cul comme moi, tu le fais en 5 heures quoi. Mais moi j'ai fait 2 runs sur le jeu, et sur la deuxième run, j'ai découvert des trucs que je savais pas, des lieux que j'avais pas exploré et tout. Non, vraiment, c'est un très très très très solide jeu, vraiment. Un jeu d'Adam Robinson qui a d'ailleurs fait une superbe intervention à la Game Developers Conference que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui explique comment il a réalisé son open world de A à Z. C'est hyper intéressant, c'est en anglais évidemment, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Sinon, moi je sais que cette année j'ai fait les Persona, enfin j'ai fait les Persona, au secours. J'ai essayé de faire les personnages, j'ai pas fait Persona 1, j'ai pas fait Persona 2, j'ai essayé Persona 3, j'ai détesté, j'ai essayé Persona 4, j'ai fini de manière très laborieuse, j'ai même pas atteint les crédits tellement le jeu m'a énervé. Il y a plein de mécaniques qui sont pas bien, alors en plus, comble du problème, je me suis fait spoiler. Donc du coup, j'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir. En fait, le problème du jeu, c'est sa difficulté. C'est-à-dire que le jeu en facile est trop facile et le jeu en normal est beaucoup trop difficile. Littéralement, il m'est arrivé assez régulièrement pendant 3-4 tours, de me faire déglinguer juste parce que, je sais pas, je me prenais que des coups en boucle et que je pouvais plus rien faire. C'était pas une expérience très très très agréable. Après, la fin est, sans spoiler, la fin est plutôt correcte. Enfin, ce que j'estime être la fin, parce qu'après, je crois qu'il y a du post-game, mais je suis pas sûr. Je suis pas extrêmement fan non plus. Par contre, une expérience que j'ai vraiment adorée, c'est Persona 5, que j'ai pu faire. J'ai fait la version PS3, j'ai pas fait la version Royale. Qui, pour le coup, cette expérience a vraiment été incroyable de bout en bout. J'ai une sauvegarde à 100 heures de jeu dessus et. Je suis en train de le refaire en New Game Plus parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai fait en un mois pile poil, je crois. Je crois que j'ai commencé le 26 octobre et je l'ai fini le 26 novembre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le contraste entre Persona 4 et Persona 5 est tellement immense. On sent qu'il y a eu, si pas de conneries, Persona 4 Golden, c'est 2009. J'ai peur de dire une bêtise. Non, c'est sur PS Vita. Hein. Le 4 est sorti en 2008, si je me souviens. Ouais, parce qu'il y a eu. Mais entre temps, il y a eu Golden. Mais Golden a pas vraiment changé grand chose. Ah, il a rajouté quand même des trucs. Hein. Ouais, mais il a pas changé le système de combat en fait. Notamment une super musique d'intro. Oui. La musique d'intro de Persona 4 Golden est. Elle est goldée pour le coup, elle est trop bien. Et Persona 5 est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2017 16 Ouais. 2016 au Japon, 2017 chez nous. Ouais, donc il y a eu quand même un bond de 7-8 ans qui se sent. On va pas se mentir, qui se sent. Persona 4, et pour le coup, je l'ai vraiment pas aimé. Persona 5, je l'ai adoré. Persona 5, vraiment, c'est. Déjà, c'est un jeu qui s'affirme dans la licence Persona, parce que je crois que c'est le premier à plus avoir marqué Shin Megami Tensei sur sa jaquette. Oui. C'est vraiment un Persona à part, d'une certaine manière. Et puis le jeu, ouais, il est excellent. Le système de combat, il est. Excellent aussi, enfin je pense que la plupart des gens doivent le connaître par les mèmes ou ce genre de choses là, mais le par système Smash de combat aussi, de Persona 5, il est ouais voilà je pense que il est très très complet, il est très très très complet, et la musique, la bande originale est pour au secours, la bande originale on la mérite pas, l'exécution elle est géniale, techniquement le jeu est une claque aussi, enfin au niveau de la direction artistique. Ah, pour de la PS3, c'est superbe, hein, pour de la PS3. Ouais, mais surtout, je crois qu'il tourne sur un jeu de. Enfin, sur un moteur de jeu PS2, il me semble. Possible, parce qu'à la base, je crois qu'il que était. C'est Cryware, mais j'en suis pas sûr. Possible. Je crois que c'est le Cryware Engine. Mais non, franchement, la DA est magnifique. Les musiques. Au secours. Bon, voilà. Elles sont trop bien. Y'a rien d'autre à dire de plus. Non, franchement, moi, j'ai adoré le jeu, de bout en bout. Il est vraiment très bon. J'ai pas été spécialement très surpris par l'histoire, j'ai trouvé assez linéaire et finalement assez facile à deviner. Je sais pas pour vous. Pas moi. Moi, je n'ai pas été spécialement surpris par le oui jeu. Oui et non. Je vais pas plus m'attarder sur le détail, mais en fait, c'est en partie parce que j'ai fait Persona 4. Enfin, j'ai commencé Persona 4 que je n'avais pas terminé. Et ensuite, j'ai attaqué Persona 5. Que du coup, j'ai noté une toute petite incohérence. Mais qui, en fait, s'est révélée importante. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Non, non, franchement, Persona 5, c'est sacré... Sacré jeu, en plus il est ressorti en français avec Persona 5 The Royal, bourré de bonnes intentions, avec un chapitre, enfin un trimestre en plus. Parce que pour ceux qui connaissent pas Persona, en gros le jeu se déroule sur une année scolaire. Et vous allez devoir vivre votre vie d'étudiant le jour, et dans l'après-midi et la soirée, et vous allez buter des gros monstres et sauver le monde, entre guillemets. C'est malin, hein, franchement. Étudiant le jour et sauveur la nuit. Quoi. Enfin, c'est très très malin comme jeu. C'est un jeu bavard aussi. Oui, c'est un RPG en même temps. Oui, oui, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, 90h45, moi je l'ai fait en 2 mois. Tu l'as fini plus vite que moi. C'est peut-être parce que j'ai réduit un peu la difficulté sur la fin, qui est très bonne la difficulté d'ailleurs. Ah, moi c'est paradoxal. J'ai commencé en facile parce qu'on m'a dit fais-le en facile, il est assez difficile. Et ben moi j'ai. Et moi, à la commencé fin, en normal. J'ai commencé à normal, mais j'ai pas été très bon sur l'un des derniers donjons, ce qui fait que j'avais des niveaux de retard et je me faisais poutrer par les ennemis. Donc, j'ai décidé de passer le jeu en mode facile pour finir le jeu plus vite. Mais... En soi, la difficulté normale, c'est vous réussissez, ça se passe bien, vous faites une erreur, adieu. Vous allez avoir chaud au fest. Ouais. Il est pas rare de terminer certains combats dans la merde. ne pas les terminer carrément. Un plaisir. Et tu meurs. Non, vraiment un très très bon jeu Persona 5. J'ai pas fait les autres. Le 3, le 4. J'ai le 3, le 4, mais je les ai pas encore fait. J'en ai fait aucun, moi. Je ferais peut-être le Golden. C'est paradoxal parce que Golden, c'est un jeu que je recommande de faire, même si je l'ai pas aimé. Je pense que c'est plus de l'appréciation personnelle en fait. Enfin, c'est plus de mon côté que je l'ai pas aimé. En soi, le jeu est bon, mais. Je pense que c'est parce que j'ai fait Persona 5 avant que du coup forcément j'avais des a priori. D'autres jeux qui vous ont marqué J'ai fini mon 100% de Céleste cette année. Un enfer. En fait, c'est bon. Je me suis dit qu'en... Parce que je l'ai commencé pendant le confinement. Le premier, c'est il y a un an. Pas le troisième, pas encore. Pas encore. ça va pas tarder. Je l'ai commencé en mars 2020 avec le fait. En fait, j'ai appris qu'il y avait les cœurs bleus et tout ça à choper dans les niveaux. Donc, j'ai chopé toutes les baies, j'ai chopé tous les cœurs bleus, j'ai fait certaines phases B sur Switch avec le Joy-Con Drift. Ah la vache! Yes, hein. Et je l'ai fini en novembre, fin novembre, je l'ai terminé. Après beaucoup de souffrances, notamment sur le dernier niveau où il fallait ne pas mourir pour avoir la Golden Berry, j'ai souffert. J'ai souffert, mais c'était plaisant parce que c'était une très très très bonne expérience. En soi, j'ai rien gagné de plus. C'était juste que j'ai beaucoup beaucoup aimé Céleste, qui est l'un de mes platformers 2D préférés des dernières années. Et du coup, je me suis mis comme défi de le faire à 100% parce que je l'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, je ne l'aime plus. Aujourd'hui, plus jamais je relance une game de Céleste. Moi, je l'avais fait en 2019, Céleste. Bah, quand il était gratuit sur l'Epic Game Store. Ouais, je l'ai franchement bien aimé aussi, ce jeu. Je n'ai pas été, par contre, jusqu'au chapitre 8 et chapitre 9, qui sont les DLC du jeu, en fait. Oui. Et non, vraiment très, très, très, très bon jeu. Évidemment, le message que fait passer le jeu est un message très intéressant. C'est une petite révolution de la plateforme 2D, presque Céleste. Oui. Clairement, clairement. Et puis les musiques. Ah, mais l'OST, incroyable. On parle beaucoup de jeux avec de bonnes musiques. Et en même temps, une bonne musique fait un bon jeu. Donc. Ouais, pas forcément. Ah bah, en général, c'est plus agréable un jeu avec une bonne OST qu'un jeu avec une OST à la Super Paper Mario, quoi. T'as des jeux très mauvais avec des très bonnes musiques. Oui. Je parlerais bien de There Is No Game. Ah, un jeu que je crois qu'on a tous fait ici. Ah, sorti cette année. Ouais, sorti en 2020. Ouais. 2020 ? Ah, ouais, je croyais qu'il sorti en 2020. Début, non ? Début 2020. Je crois que c'est mi-2020, il me semble. Je vais aller regarder. Après, je parle de la version définitive, je parle pas de la première sortie en 2016. There is not a dimension. 6 août 2020. Et quelle claque ! Incroyable. Il est vrai. Ah, franchement. Très bien. Quel est votre chapitre préféré, tiens ? Moi, clairement, c'est le chapitre 4, je crois. J'hésite entre le dernier et le générique, que j'ai trouvé très ingénieux. C'est le générique que je trouve vraiment... C'est le chapitre 5, du coup, pour toi, Jen. C'est le chapitre 5, moi... chapitre 4 ouais. Non, c'est le chapitre 4, c'est le... comment ? C'est le clicker. C'est le free-to-play, ouais. C'est ça. Et moi, bizarrement, c'est le 2. Ah, avec Sherlock. Ah, j'ai adoré le 2. Franchement, je le trouve super drôle. Mais en fait, ils sont tous très très bien. Le problème, c'est qu'ils sont tous très très bien et du coup, c'est difficile de les juger. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une vraie interaction entre les trois personnages dans le chapitre 2, à savoir le narrateur et les deux. Et du coup, les deux personnes qui sont dans le point and click. Et je trouve que le chapitre 2 est. Mais le jeu est délectable. Vraiment, le jeu est. Incroyable. Un peu court, peut-être. Non. Pas si court que ça, j'ai trouvé, moi. Ah, j'ai trouvé que ça aurait mérité un chapitre de plus. Il a tout donné, moi, je trouve. Il se finit là où il doit finir. Le jeu se finit vite. Il est bouclé en peut-être 5-6 heures, je sais pas. Mais non, franchement. Si vous aimez les point and click, parce que There is No Game est un point and click. Qui déconstruit tout ce que vous connaissez du jeu vidéo, faites-le. Voilà, vraiment faites-le. J'attends une suite parce qu'il y a moyen de faire une suite avec d'autres ambiances, d'autres environnements, d'autres pratiques du jeu vidéo. C'est un peu mal. Beaucoup de jeux indés qui n'ont pas très bien marché, c'est un peu triste. Ah, celui-là, il a connu son petit. Il a connu son heure de gloire, je pense. Son petit succès. Il a été fait par PewDiePie, hein, There is No Game. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, c'est un jeu français, There is No Game Wrong Damage. Ouais, absolument. Bien sûr. Mais tu le sens bien à l'accent du mec. Qu'ils appellent russe dans le jeu, mais. Alors que c'est totalement un accent français. Tu sens bien qu'il a un accent français. Bien franchouillard. Et qui n'a pas de VF, c'est un peu triste d'ailleurs. There is no jeu. Il y a une VF techniquement, à un moment, mais. Un moment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Après, c'est vrai que la blague avec There is no jeu, elle aurait été compliquée à faire en VF. Ne serait-ce que le premier chapitre, il est. Il serait très compliqué à. Il est délirant, quoi. C'est vraiment. Le chapitre, déjà. Il est long, le premier chapitre. Ouais, mais. Qu'est-ce qu'il est. Effectivement, le jeu est très drôle, le jeu est très. Ah oui, il y a aussi la séquence de musique. Ah bah oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien! Très très drôle aussi. Elle est très très très cool. C'est pendant le générique. C'est pas le mot qui me viendrait, mais. Moi je la trouve drôle. Surpris, elle m'a plus surpris qu'elle m'a. Moi je la trouve drôle, moi elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. Ah ouais? Ah, ouais. Ça c'est tellement. C'est tellement. Comment dire? Ouais, c'est tellement tu t'y attends pas que honnêtement. Puis surtout, c'est vraiment un jeu qui est pas dans le vent, quoi. C'est-à-dire que les énigmes ont un sens, il y a. Vraiment, c'est extrêmement bien réfléchi. Et l'histoire est cool. Ouais, c'est vraiment. Après, l'histoire est assez linéaire, mais c'est logique en fait. C'est le deuxième meilleur jeu que j'ai fait l'année dernière. Le premier étant. Bug Fables. Voilà. Je pense qu'il nous aura marqué tous les trois, Bug Fables, cette année. Attendez le prochain épisode. Attendez le prochain épisode. Vous en parlerez un petit peu plus. Sinon, jeu que j'ai fait en tout début d'année, que je n'ai plus du tout reparlé, enfin j'en ai pas du tout reparlé entre temps, alors que ça a été l'une de mes claques de début d'année, c'était Ori and the Will of the Wisp. Absolument magnifique. La suite de Ori, déjà Ori and the Blind Forest était un jeu impressionnant, aussi bien graphiquement que dans ses mécaniques et que dans sa revisite du Metroidvania. Je l'ai vraiment trouvé excellent. De tous les points, et quand j'ai vu Ori 2 à l'E3 2017, j'étais 18, 18, J'étais en mode, ah bah cool, du coup c'est trop bien, je viens de finir Ori 1 et ils annoncent Ori 2. Puis ça repousse. Et en 2019, on a eu enfin la putain de date de sortie. Je crois que le jeu était en développement depuis peut-être 2017. Peut-être 2016-2017. Donc au bout de 3 ans de où il repoussait la date de sortie, on a enfin eu la date, c'était le 11 février 2020. Et je crois que c'est l'un des rares jeux que j'ai acheté sur Steam dans l'heure de sortie. et Ori and the Will of the Wisp, c'était très très bon, vraiment excellent, mais trop court. J'ai autant de temps de jeu sur le 1 que sur le 2, je m'attendais à peut-être 10 heures de plus. Le jeu est vraiment magnifique graphiquement, musicalement pareil. Les boss sont très très bons. Le scénario est assez larmoyant. Par contre, j'ai peut-être du mal avec le fait que t'as beaucoup plus de chances d'être perdu. Parce que j'ai l'impression que le monde est plus grand. Peut-être que Ori est plus petit, je sais pas. Mais je sais que je me suis perdu pas mal de fois. En même temps, c'est le but d'un Metroidvania. Mais peut-être un manque d'indication parfois. Du jeu, de ce que j'ai compris. Oui, c'est le but, mais peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, pour le coup. Sinon, en autre jeu indé dont on a eu des infos en 2020, il y a ce cher Isaac. Avec Repentance. Alors, je sais pas si on l'évoque vite fait, parce que ça fait un peu partie de l'actualité, finalement. Oui, on peut. On peut. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas sympa de la part de McMillan. On est plutôt du même avis. Sur Twitter, il était vraiment en mode les gars, vous inquiétez pas, c'est bientôt, etc. On a presque fini. Pour au final nous sortir à dans 4 mois. Ça fait mal. Ça fait assez mal. En fait, je pense que la communication du jeu a vraiment échoué. C'est ça, c'est un peu irrespectueux. Si vraiment ils avaient besoin de 4 mois supplémentaires, ils auraient pu juste dire sur Twitter, les mecs. On a encore besoin de temps, vous aurez pas le jeu tout de suite, quoi. Mais là, le fait d'annoncer, de mettre une date sur Steam, comme quoi il sort à telle date, pour au final dire sur Twitter quelques jours avant, ah bah non, en fait, c'est pas vraiment une date, c'était pour remplir un espace... Non, mais ça a été dit, en plus, je crois que ça a été dit le jour même. Non, ça a été dit après, non. Le jour même de quand c'est... Je crois que, ouais, ça a été dit le 31... Tu disais le jour même où ça a été mis sur Steam que ça sortait le 31. Oui, non. Ça a été mis le jour même sur le 31 de vous attendez à rien en fait. C'est juste pour remplir l'espace Steam. Et t'es en mode, ouais, ok, c'est pas très sympa. Mais... On attendait le jeu, genre... En plus, il y a moyen. Genre, l'excuse du placeholder, moi, je la trouve vraiment bidon parce qu'il y a moyen de mettre des jeux en 2021. Je veux dire, ouais. Strikers, il était annoncé pour 2021 et sur sa page, il y a marqué 2021. Mais non, mais honnêtement, vraiment... catastrophique, je sais pas ce que Macmillan fait, mais honnêtement je trouve que, déjà ça commue à ses passions, j'ai pas l'impression que les gens soient si vraiment pressants avec Repentance, donc ils pourraient se permettre de dire, c'est pas grave, moi honnêtement s'il avait juste dit, bah on a besoin de plus de temps, ok c'est bon, ça fait déjà 2 ans qu'on attend le jeu, on peut attendre 3 mois de plus quoi, je veux dire, ouais 3-4 mois de plus, on s'en fout, tu vois. Mais juste, c'est indécent de juste faire croire que le jeu sort à telle date, d'hyper tout le monde, pour au final dire non, c'est pas maintenant, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt, pour au final redire non, en fait, c'est dans 4 mois. Comment c'est possible d'être... je sais pas, c'était vraiment... En plus, le trailer était même pas fantastique, quoi. Ça montre même pas d'image de jeu ou quoi, c'est vraiment juste... une animation. C'est une annonce logo un peu plus développée que celle de Metroid Prime 4, quoi. T'es en mode. Ouais, celle de Bayonetta 3 aussi. C'est ça, t'es en mode. Celle de Bayonetta 3, ouais, au secours. Je sais pas, vraiment, c'est vraiment sur le coup, ça m'a saoulé. Bon, après, je vais prendre Repentance parce que bah, ça fait 2 ans que je l'attends. Donc au final, je le prends. Mais je trouve vraiment que, ouais, Macmillan fait un peu n'importe quoi. C'est un peu triste. C'est pas lui qui faisait aussi Super Meat Boy Forever? Non, il s'est retiré. Ah, il s'est retiré justement, de la ouais, Apparemment, le jeu, de ce que j'ai vu les streams de Karim Debbache, apparemment, le jeu a pas l'air... Faudrait que je le teste. J'ai vu les streams de MV, moi, ça m'attire pas des masses. Je sais que certains ont été déçus de ne se... Alors, c'est pas le même gameplay, ce runner. C'est un runner, mais ça a l'air d'être un runner quand même. C'est pas juste de la ligne droite, quand même. Il y a des fois où tu fais des pauses. Après, vu que c'est généré procéduralement, je me demande s'il peut y avoir des problèmes en mode certains niveaux sont infaisables. Non, je pense qu'ils ont fait attention quand même. Oui, je pense aussi, mais je me dis, ça peut toujours arriver. Je pense qu'en fait, ça doit se... Ça doit, entre guillemets, se... Je pense que tu sais, t'as des phases où tu cours sur une ligne droite. Je pense que c'est à ce moment-là que tu fais la transition. Ce qui fait que t'as pas deux phases d'affilée problématiques qui pourraient s'enchaîner, tu vois, vu que t'as une ligne droite entre deux. Mais honnêtement, ouais... Macmillan, c'est un peu malheureux ce qu'il fait avec ses licences. Ses derniers jeux n'étaient pas fantastiques de ce que j'ai entendu. Un Bumbo manquait de contenu. En fait, Bumbo, il est. Maintenant, apparemment, Bumbo est correct. Mais bon, bah, Bumbo, je veux dire, le mec, il teasait de ouf. En fait, je pense que c'est ça le problème de Macmillan, c'est qu'il tease beaucoup ses jeux. Et au final, c'est pas si ouf que ça. Genre, Bumbo, typiquement. Il l'avait beaucoup teasé, il avait dit on va faire un jeu sur Bumbo, vous verrez, ce sera trop bien, il y aura du lore et tout. Et au final, bah, il n'y avait pas grand chose dans Bumbo. Hein. C'était pas non plus la folie, je crois que... Ouais, là je regarde dernière utilisation, 23 novembre 2019. C'était pas Jojo, surtout qu'en plus, bon déjà je suis pas fan du gameplay. Mais je peux passer outre un gameplay que j'aime pas trop pour continuer. Et vraiment, j'ai pas aimé. C'était tellement long, tellement pénible pour pas grand chose. Et en plus, il nous avait promis du lore dedans. Du lore par rapport à Isaac. On l'attend toujours. Non, c'est ça, c'est le problème. C'est que, bah, clairement, il fait un peu de la publicité mensongère. Et il lance 40 projets en même temps. Je veux dire, il avait à peine commencé Repentant, parce qu'en même temps, il y avait Bumbo qui était en train de se faire. Là, il relance son espèce de jeu de cartes un peu bizarre. Il y avait Four Souls avant. Il sort 8 milliards de projets en même temps. Tu m'étonnes qu'il s'en sorte pas, tu m'étonnes que ça prend du retard. Et voilà, quoi. Et là, il y a des suspicions que le fait, là, le dernier mode... Devil Folio, oui c'est ça. Fiend Folio, pardon. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aura une espèce de Repentance bis si jamais il n'est pas compatible. Ou en gros il serait parce qu'il a dit qu'il était très très impressionné à Macmillan par ce qu'ils avaient fait avec Devil Folio. Oh, quel enfer. Honnêtement, si c'est encore pour avoir un DLC. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup de ces derniers DLC, en fait, non? Bah ça fait trois fois, quoi. Ah, genre, ça. Il a dit Afterbirth, c'est le dernier DLC. Il a sorti Afterbirth Plus. Et puis il a fait, c'est le dernier DLC. Et puis après, il s'est dit, putain, mais en fait, je veux sortir du contenu, en fait, en plus, dans Afterbirth Plus. Du coup, il a rajouté des je sais plus comment il appelle ça, des content packs ou un truc comme ça, qui étaient des mods qu'il a intégrés directement au jeu. Et à la fin, il a ajouté Forgotten et il a fait, c'est le dernier DLC. Et puis après, entre-temps, il avait annoncé Repentance et il a fait Repentance, ce sera le dernier DLC. Donc ça fait déjà au moins 4 fois qu'il annonce que c'est le dernier DLC. Bah après, il faut mettre du beurre dans les épinards, je pense aussi. Il essaye que Isaac meure pas trop tôt, il a raison. Ça fait combien de temps que ça existe, Isaac? 2011. 2013. Non, je pense... Non, même pas les versions gratuites, c'est 2009, non? Si on prend juste Rebirth, c'est 2014, donc... Oui, mais le jeu Flash, c'est 2009. Je parle du jeu de Flash. Oui, le mais même, déjà, ça fait 7 ans. Mais effectivement, ouais, c'est... Après, Nintendo, ça fait 20 ans qu'ils veulent pas voir mourir Superman 64, donc bon... Non, mais après, je comprends, ouais. Effectivement, son jeu a cartonné, il a une grosse base de fans... Voilà, mais faut pas qu'il fasse une Nintendo, faut pas que ses fans deviennent des vaches à lait et qu'il les traite un peu n'importe comment, quoi. Faire du contenu de qualité. Mais bon, je sais pas si du coup vous avez d'autres trucs à aborder sur l'année 2000. Ouais, moi quelques jeux en rapidos. J'ai trois jeux, le trio de visual novel que j'aime, que je parle tout le temps. Je vais en parler très vite fait, c'est Red Strings Club, Valhalla et Coffee Talk. Grossièrement, pour faire très rapidement, parce que l'émission arrive à son terme. Red Strings Club. Enfin, Valhalla d'abord, parce que vous comprenez pourquoi. Valhalla est en anglais uniquement. Vous contrôlez un barman, enfin une barmaid dans ce cas-là qui s'appelle Jill, et vous allez servir des clients et apprendre un petit peu plus sur le lore de Night City. Comme dans Cyberpunk. Oui, Cyberpunk 2077. Je sais que j'ai un doute sur le fait que ça soit dans. Alors, je sais plus si c'est dans Red Strings Club ou Valhalla Night City, je vais juste aller regarder deux secondes. Glitch City. Donc Glitch City, grosso merdo, c'est un visual novel qui est très très bon, qui est assez long, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il fait le double de Red Strings Club. Et justement, Red Strings Club, bah, c'est un petit peu la même tambouille, sauf que c'est plus court et c'est mieux. Et c'est en français en plus. Pour le coup, c'est deux univers très très cyberpunk que personnellement j'aime beaucoup, avec une musique vraiment très très bonne, des personnages très très travaillés avec leur propre caractère et qui marquent, et surtout ils essayent des choses avec par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Donovan, le personnage principal de Red Strings Club, est un personnage gay, et je trouve ça assez sympa de le souligner. Et par exemple, je sais que Jill dans Valhalla est lesbienne. Je trouve ça sympa de le mentionner, et d'ailleurs c'est jamais dit explicitement dans le jeu, c'est juste que on sait qu'ils ont des relations amoureuses avec des filles pour l'une et des hommes pour l'autre. Coffee Talk, j'ai pas grand chose à dire dessus, puisque là c'est un truc un peu différent, c'est beaucoup plus détente. Pour le coup, c'est beaucoup plus du visual novel pur. Le gameplay de café a pas vraiment. C'est pas vraiment une idée de dingue, ça change pas beaucoup les dialogues, c'est juste quelques succès Steam, etc. Et ça change vite fait si le client est content ou pas, mais ça change pas grand chose. C'est trois jeux que vous trouvez pas cher. Et puis, c'est des très bons jeux. Je pense que pour finir les trois, vous en avez peut-être pour une petite vingtaine d'heures. Et honnêtement, je les conseille. Du coup, Nechiko, tu peux y aller. Bah moi, déjà, je suis surpris que tu parles pas de Cloudpunk. J'en ai pas parlé parce que... Il est un peu mon jeu préféré de l'année. J'en ai pas parlé parce que j'ai eu une chronique dessus, mais voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de rejouer Metroid Prime. Donc là, on va vraiment sur des vieux jeux. Metroid Prime sur GameCube, je crois que c'est 2002-2003. 17 ans après, c'est toujours aussi bon. Ah non, c'est... Non, pas Metroid Prime 4. Toujours... 2002, toujours aussi excellent. Ça marche toujours aussi bien. Ça manque peut-être un peu de polish au niveau de la gestion des environnements, dans le sens où parfois le backtracking est un peu plus pénible pour certaines zones que d'autres. Mais en dehors de ça, le jeu, il est excellent. Un autre jeu qui m'a surpris l'année dernière, c'était Metal Gear Solid. Je l'ai fait et j'ai été très très surpris du jeu, vraiment. Il a plein de bonnes idées, ce Metal Gear Solid. Sorti en 98, sorti il y a 22 ans, 23 maintenant, puisqu'on est en 2021. Et c'est un excellent jeu, vraiment. J'ai passé beaucoup de... J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Un propos intéressant, des mécaniques de jeu intéressantes, des personnages intéressants, un peu clichés mais intéressants. Et puis en vrac, j'ai fait Vanquish, un FPS qui est un peu l'antithèse de tout ce que les FPS sont. C'est-à-dire, au lieu de vous cacher contre les murs, vous allez dans le feu de l'action. Bourdieu. Et c'est un très très très bon FPS également. C'est 5 heures d'adrénaline pur jus, mais c'est 5 heures de très très bonne adrénaline. Et j'ai eu l'occasion de faire Ocarina of Time. Le meilleur jeu. Que j'ai aimé. Qui est un excellent jeu, mais... Sans plus. Est-ce que je dirais que c'est le meilleur Zelda de tous les temps? Peut-être pas. Pour moi, non. Mais il a vraisemblablement des excellentes qualités et des choses que je voudrais revoir dans les Zelda. Vraiment. Ah, la liberté. Ouais, non, mais ne serait-ce que dans l'écriture... Enfin, pas l'écriture des personnages, parce qu'il n'y a pas spécialement une écriture, mais il y a une façon de dérouler l'histoire du jeu, les relations entre les personnages qui est très intéressante. Certaines mécaniques de jeu, notamment le monocle de vérité que j'aimerais revoir dans la série Zelda. C'est vrai Zelda, que c'est jamais réapparu, je crois, le monocle. Il y a moyen vraiment de faire des énigmes super cool avec. Vraiment, on sent pourquoi c'est devenu un classique du jeu vidéo, quoi. Les temples sont excellents. Moi, j'ai trouvé que le temple de l'eau était très très cool, pas spécialement casse-pied. Je l'ai fait sur 3DS, diront certains. Mais je ne l'ai pas trouvé spécialement compliqué, même si j'ai dû faire un aller-retour parce que j'ai été un peu idiot. Honnêtement, pour avoir fait le jeu sur 64, les gens exagèrent même sur 64. C'est un peu plus chiant, effectivement, avec les bottes de plomb qu'il faut switcher dans le menu au lieu... Non, justement, dans le menu au lieu de l'inventaire. Mais honnêtement... Ah oui, toi, ce que tu appelles le menu, moi, je l'appelle l'inventaire. Mais... Bah, l'inventaire, pour moi, c'est là où il y a les objets. C'est pas un objet. Dans la version 3DS, c'est considéré comme un objet où tu peux l'assigner à des touches. Ce qui est du coup moins logique, parce que Link, il tient pas ses bottes dans sa main, quoi. Enfin... C'est ça, voilà. Mais ça rend le gameplay peut-être plus agréable. Honnêtement, j'ai pas trouvé que sur 64 ce soit immensément plus chiant, mais les gens avaient râlé. Voilà. C'est un jeu de 98, je crois aussi, Ocarina of Time. Donc il y a des défauts que tu vois maintenant avec un regard. J'ai envie de dire contemporain. C'est comme le fait d'affronter trois fois Orochi dans Okami, quoi. En 2006, ça passe. En 2021, ça passe pas trop. Non. Pourtant, tu referas pas le jeu. Hein. Tu referas pas le jeu. Ouais, mais non. Expérience très intéressante, Ocarina of Time. Trois fois le même boss dans Mario 64. Mais hein. En Zelda 3D, pour l'instant, mon préféré, hormis Breath of the Wild, reste Twilight Princess. Ah. C'est une ligne droite. Un homme de goût. pour moi, le meilleur. Ah, il est chiant, moi, la Twilight Princess. J'aime pas le début. C'est ce que je dirais de The Wind Waker. J'aime pas le début de Twilight Princess, mais j'aime beaucoup. En fait, passer la première journée avec le village de Toll, où tu dois faire ceci, faire cela, nanana, ramener les chèvres au troupeau. C'est une bonne introduction. C'est une ligne droite, quoi. Ce que tu perds en. Y a ce pas que tu perds en rapidité d'une certaine manière à être rapidement dans l'action, tu le gagnes, je trouve, en lore, en installation. C'est intéressant, c'est une autre façon de présenter les jeux. J'aime les jeux qui prennent leur temps de se présenter. Twilight Princess, c'est vraiment genre tu files en ligne droite, Je sais pas, moi c'est pas ma vision de Zelda, que vraiment le jeu soit aussi linéaire que ça, parce qu'il est ultra linéaire. Après on dira, oui mais c'est mieux pour l'histoire, ça permet d'avoir une histoire mieux développée, de faire un jeu linéaire, mais le jeu est vraiment beaucoup trop linéaire. J'ai énormément apprécié. Pour moi vraiment Zelda c'est la liberté, et donc faire des jeux trop linéaires ça nuit vraiment à la vie. Après, c'est la liberté, c'est The Wind Waker. Ah bah The Wind Waker, pour le coup, tu fais ce que tu veux. Alors, qui est en réalité une ligne droite déguisée, on ne le dira jamais. L'histoire, elle est peut-être moins développée, etc. Par contre, Wind Waker, je suis désolé, tu fais ce que tu veux. T'as envie de te barrer sur une île qui est à l'autre bout de la map, tu te barres sur l'île qui est à l'autre bout de la map. Tu fais ce que tu veux, tu peux aller sur une île pour récupérer un coffre qui contient 20 rubis, c'est... Très intéressant. Pas du tout. Mais t'as vraiment joué à Wind Waker ? Ah oui, j'y ai joué. Deux fois en plus, c'est ça le pire. C'est très intéressant. Moi je sais que j'ai jamais terminé Wind Waker à cause de la quête de la Triforce. Ah, moi non plus, j'ai pas battu le boss final. La première run, j'étais proche du boss final, mais j'ai fait non. C'est parce que j'étais en partiel à l'époque aussi, à mon avis ça a dû jouer. Et puis là, quand je l'ai repris en 2020, quand j'étais sur l'océan et que j'ai fini le Temple du Vent, j'ai fait... J'arrête de jouer. J'en avais marre. L'abandon. L'abandon. Moi, honnêtement, je trouve que Wind Waker a une certaine... Je trouve que vraiment, la liberté de Wind Waker, ça permet... En fait, pour moi, The Wind Waker, c'est une très bonne réussite de l'époque. parce que c'est vraiment un jeu qui te donne la sensation de liberté. Mais aujourd'hui, quand tu le décortiques, tu vois qu'en réalité, t'es pas du tout libre. On peut continuer. Moi, je dirais juste un mot sur une autre licence que j'ai découvert cette année, c'est les Ace Attorney, du coup. Ah. J'ai fait le 1 et le 2. J'ai préféré le 1 ou 2, même si les gens diront le 2 est mieux, machin. Non, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Non, moi aussi. Ayant fait le 1 et le 2, j'ai trouvé le 2 un peu... d'accord avec moi. J'ai trouvé le 2 un peu plus pénible sur ses phases d'enquête. Après, les phases d'enquête, c'est toujours ce que je déteste dans Ace Attorney. Alors, honnêtement, les phases d'enquête, c'est relou. Le 2 a cette bonne idée d'avoir ajouté les verrous psychés. Donc, en gros, c'est... Pour schématiser, c'est donc la... Alors, c'est jamais très clair, et au niveau de l'intrigue, heureusement que c'est pas clair, parce que si c'était plus clair, tu dirais, mais attends, mais ça n'a aucun pas. Sens. Bah oui, c'est parce qu'en fait, ils disent, c'est quand quelqu'un ment, mais genre, typiquement, quand quelqu'un, genre, tu lui demandes, est-ce que c'est le meurtrier, et en fait, c'est le mec qui a embauché le meurtrier... il a pas de verrou psyché, donc mais il a menti quand même un petit peu. Il a menti par omission, au moins. On devrait voir qu'il cache un truc. Ah bah c'est un gros mensonge, mais du coup, il devrait y avoir beaucoup de verrou psyché, mais on devrait les voir quand même. Mais en tout cas, effectivement, le concept est intéressant parce que ça permet de faire, entre guillemets, de remettre un petit peu la dynamique des procès au sein de l'enquête, du coup, pour éviter que ça soit juste du point and click. Donc du coup bah, on te demande de présenter des preuves pour que la personne elle craque, entre guillemets. Du coup, ça, c'est les trucs, c'est les passages que j'ai trouvé les plus intéressants des phases d'enquête. Après, c'est pour ça que j'aime un peu plus Professeur Layton versus Phoenix Wright là-dessus, parce qu'il n'y a pas de phase d'enquête. Enfin, les phases d'enquête, c'est les phases Layton, donc c'est moins gênant. Est-ce que c'est pas inhérent aux phases d'enquête finalement? Oui. Mais du coup, moi vraiment le truc qui me fait préférer le 1. C'est que vraiment le 1, il a un fil rouge très très très bien. En fait, le 1, pour moi, niveau histoire, tout se goupille et tout se suit. On pouvait pas faire mieux, en fait. Genre, tous les micro-éléments instaurés sont réutilisés. Mm. C'est-à-dire que si on te dit deux personnages sont amis, on va t'expliquer pourquoi ils sont amis. On va t'expliquer les relations entre les personnages. On va tout expliquer. Il n'y a rien qui reste à la fin. Alors, s'il y a des pistes, parce qu'il faut faire des suites. Effectivement, il y a la mère de Maya. Bah, ce n'est pas un spoil, parce qu'au final, elle n'est pas du tout au centre du jeu. Mais la mère de Maya, au final, on ne la voit pas dans le 1. Je ne dis pas si on la voit dans le 2, pour vous laisser la surprise. Bon, on ne la voit pas dans le 1. Donc, c'est une des pistes qui reste. Je pense qu'ils avaient laissé si jamais le jeu marchait. Du coup, ils voulaient faire des suites. Mais sinon, tout le reste... Le personnage d'Hunter, il est traité à fond. Le personnage de Phoenix est traité à fond. Le personnage de Maya et de Mia sont traités à fond. Honnêtement, c'est le jeu, l'affaire DL6 qui lit le tout est très très bien, etc. Et même la cinquième affaire que beaucoup de gens n'aiment pas, parce que bah, c'était une affaire qui était rajoutée. Du coup, les gens disent « Ouais, mais au final, elle est un peu déconnectée du reste. » Je trouve qu'elle est super intéressante. Non, je ne l'ai pas faite, celle-là. Notamment... Ma sauvegarde avait sauté, moi. Là. Ah, mince. Mais la dernière affaire, alors, c'est la plus longue. Elle traîne peut-être un petit peu en longueur. Mais je trouve que vraiment, elle est... Alors, elle est un peu... comment dire? Déjà, il y a le petit côté un peu nostalgie, parce que du coup, bah, il n'est pas avec Maya, donc forcément, il est un peu perturbé, Phoenix. Mais en fait, il est vraiment... C'est vraiment intéressant parce qu'on t'explique dans cette enquête vraiment, typiquement dans la... Alors, je dis pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un événement majeur dans la quatrième. Désolé, JJ, je conclue un peu plus vite. T'es gâté. Mais du coup, donc dans la quatrième enquête, il y a un événement majeur qui se passe. Elle est vraiment hyper importante, la quatrième enquête. Mais au final, dans la cinquième enquête, on te montre... Oui, mais en fait, t'as résolu la quatrième enquête, mais t'as pas du tout résolu le problème. Genre, la police, c'est toujours la merde, c'est toujours des corrompus de partout, c'est toujours... Et en fait, c'est ça, ça te montre vraiment... Bah, le monde, c'est pas facile, c'est pas toi, avec tes petits bras, qui va tout résoudre, tu vois, bah, t'auras toujours... Comme dirait Ian Malcolm dans Jurassic Park, c'est vraiment un gros tas de merde, mais... c'est vraiment... T'as beaucoup, beaucoup... C'est vraiment, ça te montre, tout est corrompu et il y a encore du chemin. Et du coup, je pense que ça fait une bonne transition avec le 2 en te disant, Bah ouais, en fait, t'es Phoenix Wright, tu vois, t'as réussi quand même à virer pas mal de pourris. Mais c'est que t'as encore du chemin à parcourir pour changer le monde, en fait, entre guillemets. Du coup, je trouve la cinquième enquête, elle est quand même très intéressante. Et pour le personnage de Hunter, surtout, elle est très intéressante. Plus rien à dire de votre côté ? Perso, j'ai plus rien. Et bah, je pense qu'on va pouvoir conclure, du coup. Et bah, j'espère que cette première émission vous aura plu. Ça a été un plaisir d'être avec vous pendant 1h30, parce que là, ça fait 1h32 qu'on tourne. Le temps passe vite. Et voilà, on a pu faire une petite rétrospective de ce qu'on a joué en 2020, de ce qu'on a fait. On a pu parler de Bugfables, on a pu parler de Paper Mario beaucoup en un tout peu début. Trop de Bugfables. Un peu... ça va. Franchement, on s'est tenu, on a pris des pincettes, on a pris des chaînettes. Ça sera pas la même la prochaine fois. Moi, j'ai envie de dire to be continued. Voilà. Ouais, ça va être le moment où là ça va être la publicité. Vous pouvez nous suivre tous les trois sur Twitter. Alors attention, là ça va être le moment où il faut se rappeler des arrobas. Donc moi c'est @djeuner, James c'est @jamgina et Netchecou, si je dis pas de bêtises, c'est Netchecou1. Yes. Parfait. Ils seront tous en description dans tous les cas. Description, et du coup vous pouvez suivre ce podcast, je crois, sur YouTube. Sur YouTube, et si j'y arrive, Spotify peut-être. C'est pas sûr. Mais YouTube en tout cas, et pouvez aussi. Voilà, vous pouvez aussi regarder la chaîne de JJ qui est très sympa. Entre-temps, ça se trouve, le premier épisode du... Non, c'est pas possible. Le premier épisode du SAV sera sorti. Ça me paraît compliqué. Là, pour finir l'écriture, mais... Ouais, faudrait s'activer, effectivement. Ouais, s'activer. Après, avec les cours, c'est compliqué, mais oui, je vais essayer de le sortir un jour, en tout cas. Et nous, on se retrouve pas dans 3 mois, je l'espère, pour la prochaine émission. Et puis, on fait des bisous et à bientôt. À bientôt.